sais, t'es plus le même. Tu me mens, tu le sais, t'es plus le même. Avoue le s'il te plaît, y'a une deuxième, t'es plus le même. Je le sens, je le sais, t'es plus le même. Tu me mens, tu le sais, t'es plus le même. Avoue le s'il te plaît, y'a une deuxième, t'es plus le même. Vous savez très bien ce qu'on dit sur l'instant féminin. Ce que je ressens, je peux pas l'expliquer, c'est peut-être surhumain. C'est quoi cette nouvelle odeur, d'où vient ce parfum? Tu me diras que c'est juste une collègue, les taches de fond de teint. Quand t'es dehors et que je t'appelle, aucune réponse. Quand t'es à la maison, je te parle, t'as des absences. Lié à travers ton comportement, des choses illisibles. Quand je te pose des questions, en fait, toutes tes réponses sont prévisibles. Mets-moi dans les yeux, ton regard parle quand tu te tais. Peut-être que t'aimes ce jeu. Peut-être que je suis tarée. Pourquoi tes messages WhatsApp sont effacés? Tu veux pas apaiser mon cœur, avoue gentiment. Là tu joues avec ma tension, mes sentiments. Et tu diras peut-être que je suis paro. Mais pourquoi des fois tu sors sans l'anneau? Mets-moi dans les yeux, ton regard parle quand tu te tais. Peut-être que t'aimes ce jeu. Je le sens, je le sais, t'es plus le même. Tu me mens, tu le sais, t'es plus le même.